Point commun, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. Coproduite par Point commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2, et aussi sur radio-rgb.net. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce magazine mensuel Point commun l'émission, avec aujourd'hui en studio pour inviter Chloé Guilbert, secrétaire générale de Point commun. Bonjour Chloé. Bonjour. Benoît Giraud, directeur de la culture et de l'éducation artistique à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et directeur du conservatoire à rayonnement régional de cette même agglomération de Cergy-Pontoise. Bonjour. Bonjour. En interview téléphonique, puisque ces entretiens ont été déjà réalisés ces derniers jours, ces dernières heures, Arnaud Pirot pour le spectacle We Can Be Heroes, Sylvie Balestra pour le spectacle Grush, j'insiste, mais vous comprendrez le pourquoi, et ensuite Yvan Clédars, qui est co-metteur en scène et co-concepteur pour le spectacle Hermitologie, et les songes d'Antoine, mais il vous dira que en réalité le titre du spectacle avant tout c'est Hermitologie. Je n'en dis pas plus. Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Le week-end en famille 1. Week-end en famille 1, voilà donc un nouveau temps fort à l'affiche de Point commun. C'est bien, c'est évidemment Chloé Guilbert qui va nous dire le pourquoi de ces temps forts et pourquoi ce nouveau temps fort pour cette nouvelle saison. Effectivement, donc nous avions les temps génération et le temps fort art et humanité sur la saison 18-19. Et puis un nouveau temps fort décliné en trois rendez-vous dans la saison rejoint l'architecture, on va dire, de la saison 19-20. L'idée de départ, ça a été de se dire on a ces temps effectivement pour les jeunes et pour toutes les générations, mais que font les familles sur le territoire? Et dans l'étude qu'on a aussi des habitants et des publics, l'idée de se dire que les familles concernent un petit peu forcément le territoire et tous les champs de la société. Et donc, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui sur le territoire à ces familles? Et là aussi, pourquoi un temps fort? Puisqu'on a de toute façon une programmation à destination du jeune public qui se décline toute l'année. Mais l'idée, c'était de créer des rendez-vous où, en dehors du temps de la représentation, on peut vivre les lieux différemment. C'est-à-dire des spectacles qui s'adressent à toutes les familles, j'insiste, et donc on n'est pas forcément sur des spectacles pour enfants. Donc on est beaucoup dans des univers visuels, dans des univers qui proposent, on est différentes disciplines, en tout cas différents niveaux de lecture pour toute la famille. Et après, l'idée de proposer des rendez-vous où on partage, où on apprend, où on pratique, où on s'émerveille, toujours en famille et pour toute la famille. Ça, c'est important d'insister sur cette notion de partager en famille, parce que jusqu'à présent, on avait tendance, quand on parlait des spectacles jeunes publics ou des spectacles en famille, eh bien souvent, les parents déposaient les enfants dans un lieu de spectacle, dans un lieu de culture, et revenaient à la fin. Là, on est bien dans un temps à partager, on est dans de l'intergénérationnel, mais aussi, surtout, avant tout, un temps de partage entre parents et enfants. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que la logique, ce n'est pas de dire « j'accompagne mon enfant pour voir un spectacle », c'est « je vais voir un spectacle avec mes enfants ». Alors, ça veut dire quand même qu'il faut, en termes de programmation, faire en sorte que ça puisse s'adresser à tout public. Tout à fait, on est évidemment sur des propositions qui sont très fédératrices et avec, comme je le disais, plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'enfant, avec différents âges évidemment, il trouve des clés et des choses et profite du spectacle, mais que l'adulte aussi, il voit autre chose. Et ça ne se réserve pas uniquement en termes de spectacle, de représentation, mais il y a aussi d'autres moments de partage, des événements qui sont avant ou après les spectacles. Oui, tout à fait. C'est ce que j'expliquais avec les rendez-vous qui vont s'articuler autour des spectacles, dans la logique d'apprendre, de pratiquer, de s'émerveiller. Et c'est vrai que dans la construction de ces temps forts et dès la première idée en fait d'un week-end en famille, le CRR est apparu tout de suite comme un partenaire incontournable de ces rendez-vous, avec effectivement l'existence de ces concerts en famille.

et pour justement convoquer aussi et les émotions et le plaisir. Et on fait ce travail-là par le corps, par le mouvement, par exemple. Et donc, on s'intéresse à des langues qui ne sont pas nos langues a priori, hein, parce que c'est pas le cas forcément pour tout le monde, mais a priori maternelles, les langues a priori maternelles. Donc on évite le français parce qu'on joue en France. On a essayé d'autres langues que l'anglais. Bon, c'était compliqué en termes d'apprentissage, mais voilà, je sais qu'il est probable qu'on le fasse à Londres dans quelques mois. Bon bah. Peut-être que j'intégrerai des chansons en français. Mmh. Alors, une série de répétitions qui vont se dérouler du 12 au 16 octobre, avec la journée performance, qui elle est programmée pour le samedi 19 octobre, de 16h à 18h, Place des Arts à Cergy-Grand-Centre. Donc, ça va être effectivement un moment de partage, et pour le coup, une occasion supplémentaire où les habitants seront au cœur de la création. C'est ça l'état d'esprit aussi de ce type de performance. Oui, absolument. Absolument. Ouais, on a envie que mais comme plein d'événements culturels dans l'espace public, hein, on a envie que les gens descendent de leurs immeubles, sortent des maisons et puis viennent dans la rue et puis chanter, danser un moment tout à fait joyeux, quoi. Voilà. Merci Arnaud Pirot pour nous avoir présenté We Can Be Heroes, ce projet participatif et collectif qui aura lieu donc d'ici peu de temps sur la ville de Cergy, sur l'agglomération de Cergy-Pontoise, à l'invitation de Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Merci à vous. Merci beaucoup. Every evening, tweeting our feelings, and fame's what our dream is. Not Dragon's D, Deborah Meaden. In UK, where the queen is, but we see the deceit in the system. So we're mad, beef like we're steaming. Think it can't change on streets, we're defeated. Outside of pubs, piss heads get a beating. By the smell of chip shops, cursing policemen. Football, binge drinking. Help us deny Britain sinking. Tesco signs as we're linking. High trying to find my conviction. I'm black, but gotta leave times where we're victims. Believe in myself, cause they lie in this prison. In these Saxon lands, we try dodgy nines, how I frisk them. Even when a job gets dry like a prick stick. Can't be dealing like that, it's gotta build this time. Cause my dad's generation didn't get that wise to the system. So many black youths got a knife in conviction. Ross, I had American bars. Till so sunny started repping in jars. Watching American stars, immigrants from afar. Cause currency's large. Speaking patois, watching East Enders. Real, not the only way Essex is bars. What I've got lost, so I'm not Primark, so I probably won't char. Hard, not Maggie Thatcher. Growing up quick in a Mackie D's arch with QVC MCs and Asbo stressing. Say what I mean, not a twat trying to BG. Writing lines, I don't believe, like the tension. Britain's falling, they don't like to mention. Posh guys in power, out of touch to the tension. There's so many questions. School's memory, they seeking intelligence. Control like we, man, it's peak like Everest. Using religion to deceive like terrorists. Media disease, gotta seek an imperative. Legal highs, they don't care if they test to the dedicated. So sad, cause we're the cleverest. Blood, I see it all like Neo. But I know these ain't only my thoughts like Neo. My generation's mad trying to find the right path in the system. Coming of age in Britain. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et Radio RGB.net. Prochainement, à l'affiche. Sylvie Balestra, bonjour. Vous venez présenter à la scène nationale, à Point Commun plus précisément, sur votre spectacle Grrr. Est-ce que j'ai bien prononcé ? Une expérience, ai-je lu, joyeuse et sauvage, tout en mouvement et qui touche à la nature originelle même de la danse. Eh bien, oui, vous avez très bien prononcé le grrr. Certains disent greux tout court pour ne pas prendre le risque de rouler un R. Ben oui, greux, c'est une expérience joyeuse et sauvage qui dure 35 minutes. Où on est d'abord spectateur et ensuite on est acteur parce qu'on finit par danser tous ensemble. Mmh. Vous avez choisi les animaux pour incarner le propos de votre spectacle. Pourquoi ce choix ? Alors, bah, les animaux, c'est la porte d'entrée que j'ai trouvée la plus simple pour rendre accessible mon propos pour des enfants à partir de 3 ans. Parce que voilà, c'est un spectacle de danse à partir de 3 ans et jusqu'à voilà plus. On peut vraiment venir en famille avec les grands-parents. Donc, les animaux, ça me semblait la bonne porte d'entrée parce que ben, dès l'entrée à la maternelle, c'est à travers les animaux qu'on apprend plein de choses, à lire, à décrypter le monde même. Et moi, ça m'a permis, avec ces animaux, d'abord d'inventer un costume qui a été créé par une costumière, donc qui est fait de plein d'éléments divers, hein, de poils, de plumes, donc qui renvoie évidemment à l'animalité. Et puis, je dis animalité, c'est très important parce que ben, moi, je danse pas un animal en particulier, c'est plutôt l'énergie des animaux que j'utilise. Et ça renvoie vraiment à la danse, dans son essence même. Depuis toujours, on utilise ben voilà, l'énergie des animaux pour danser ensemble. Je pense évidemment à des danses traditionnelles, mais aussi au carnaval. Donc voilà, l'animal, première porte d'entrée très simple pour les enfants, et puis qui peut parler à tout le monde. Mmh. Mais sans pour autant être dans l'imitation de l'animal. Non, pas du tout. Pas du tout, même des fois les enfants, je les entends dire « mais non, mais c'est un cheval, mais non, c'est une poule ». Et des fois j'ai envie de leur dire « mais non, c'est un cheval-poule ». Tout ça est très hybride parce que ce qui m'intéresse, c'est justement cette expérience de l'art, où il y a de l'étrangeté, il y a du connu, de l'inconnu. Voilà, c'est pas une visite de zoo ou un greux. Oui, sachant que votre spectacle résonne bien avec le propos de votre compagnie plus largement, vous développez, ai-je lu, un art de la relation et de l'attention au corps physique et au corps social. Donc le spectacle, c'est dans le prolongement de cette idée forte. Oui, complètement. C'était même, je dirais, au début un défi, parce que la spécificité de la compagnie, c'est vraiment de créer des spectacles qui associent danse et anthropologie. Donc, l'anthropologie pour des enfants de 3 ans, c'était très compliqué. Mais je me suis lancée dans ce défi d'être tout public, d'être ouvert à tous. Et au fond, ce qui m'intéresse dans l'anthropologie, c'est qu'est-ce qu'on a de commun. Quels sont nos rituels, quelles sont nos pratiques de danse, nos pratiques artistiques, et ça s'adresse vraiment à tout le monde. Mmh. Donc j'ai dû me rendre accessible, moi en tant qu'artiste, pour m'adresser à des jeunes enfants, et ça m'a rendu non pas plus facile, mais je dirais plus précise, plus symbolique. Et aujourd'hui, ce spectacle greux, je dirais, il n'est pas anthropologique, parce que c'est un mot comme ça qui, on se dit, mais qu'est-ce que c'est exactement, mais qui puise dans ce qu'on a de commun. Qu'est-ce qui nous rassemble à un moment autour d'un cercle, parce que ce spectacle se danse comme ça autour d'un cercle, qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce qui nous fait devenir autre. Oui. Alors, cercle d'ailleurs de 3 mètres, c'est ça, de diamètre, qui assure le principe d'une vraie proximité, voire même d'une complicité avec les jeunes spectateurs. Oui. vraiment ces 3 mètres de diamètre. C'est-à-dire que la danseuse est à l'intérieur de ce cercle et tout le monde est assis tout autour. On ne rentre pas dans le théâtre comme d'habitude. On fait déjà un petit déplacement parce qu'on enlève ses chaussures et on vient s'asseoir sur scène et tout autour de la danseuse. On est très proche d'elle. Et ça, c'est vraiment important parce que dans la danse de Greux, c'est pas une danse avec un style particulier, comme on dirait classique, hip-hop, contemporain. C'est une danse qui peut se jouer avec le bout des doigts, avec un regard. Il y a beaucoup d'émotions qui est mise en jeu, beaucoup... Oui, voilà, de sensations, de sensibilité. Et des fois, ça se joue dans un tout petit mouvement. Ça peut pas être regardé de loin. C'était vraiment important pour moi que cette communauté d'enfants et d'adultes, hein, parce que l'enfant il vient jamais tout seul, donc tous les spectateurs de Greux, soient vraiment au plus proche du mouvement. Oui. On sait que le bestiaire, les animaux en général, ça peut aussi, parmi ces émotions que vous évoquez, provoquer l'émotion qui est celle de la peur. Ça peut faire peur, oui. Notamment au début, quand on arrive. Quand on est tout petit, en plus, rentrer dans un théâtre, c'est toujours impressionnant, mais quand on est grand aussi. Hein. Donc, il y a déjà cette convention-là du spectacle, de l'obscurité, qui est étonnant. Et au début, ça fait peur parce qu'on ne sait pas qui est cette danseuse. On n'est même pas sûr que ça soit vraiment une danseuse. Mmh. Ça pourrait être une grosse bête qui est allongée et qui hiberne. Mmh. Ça, c'est le début du spectacle. Mais aussi, vraiment, ce qui se passe pendant Greux, c'est qu'on transcende sa peur, qu'on se transforme, autant que la danseuse qui va se transformer grâce à son costume, eh bien, le public se transforme. Et de la peur, de la crainte de l'inconnu, eh bien, il y a des rires, il y a de la joie, il y a du grotesque. Donc, on passe, un vrai spectacle avec plein de sensations et d'émotions. Avec une dimension rituelle qui tient vraiment une part importante, qui est peut-être même l'essentiel du propos. Oui, c'est vraiment ça, l'essentiel. C'est le rituel qu'on peut... Alors, c'est un rituel qui est complètement inventé, qui puise, comme je disais, dans de l'ethnographie, dans des traditions, mais il est très inventé, de plein de cultures différentes à travers le monde. Et ce rituel qui est dansé par la danseuse, qui fait d'abord, on va dire... spectacle, eh bien ce rituel il est partagé parce qu'on danse ensuite tous ensemble. Et ça pour moi c'est très important parce qu'on a besoin de ces temps communs aujourd'hui, de lâcher prise. Et c'est là aussi qu'il y a de la joie et qu'il y a du sauvage dans le très bon sens du terme. Uh-huh. Oui, quand vous dites on danse ensemble, c'est grand bal final si j'ai compris. Grand bal final. On se lève et on danse tous ensemble. Est-ce qu'il y a eu en amont de ces représentations un travail qui a été fait de préparation avec les enseignants par exemple? Je sais que votre compagnie travaille en particulier aussi ces questions de médiation et d'éducation artistique. Oui, c'est vraiment très important pour nous. C'est important par rapport à la question de la danse contemporaine, vers les publics, vers les personnes. Moi, je pense qu'il faut vraiment aller à la rencontre des gens. Autour de Greux, il y a un dossier pédagogique qui est très, très détaillé parce que ce qui est intéressant avec ce spectacle, c'est qu'il y a la dimension de la danse, très physique, mais aussi il y a la dimension du costume d'art plastique, il y a la dimension musicale, donc il y a plein de portes d'entrée pour les enseignants autour de ce spectacle, et même si on n'a jamais fait de la danse, on peut vraiment se risquer à mener un projet autour de ce spectacle, parce que il y a plein de portes d'entrée pour l'enseignant et pour l'enfant et pour les familles. Très bien, merci Sylvie Balestra. Je précise à nos auditeurs qui nous écoutent que ce spectacle sera à découvrir à Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise. Cela à la fois dans le cadre du Week-end en famille, c'est la première édition pour cette nouvelle saison, et également dans le cadre d'Escale Danse. Tout cela à découvrir au Théâtre 95, jeudi 17 octobre en séance scolaire à 10h et 14h30, et une séance en famille le samedi 19 octobre. À 11h. Grand merci à vous. Je vous remercie. Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Yvan Cléda, vous êtes co-concepteur et co-metteur en scène d'un spectacle qui sera prochainement à l'affiche de Point commun, la scène nationale de Cergy Pontoise, Hermitologie, les songes d'Antoine. Alors, co-metteur en scène et co-concepteur, je dois citer Coco Petit-Pierre, vous êtes l'un et l'autre un couple de plasticiens, c'est bien ça? Oui, enfin, c'est un terme bien générique pour désigner des gens qui font de l'art, mais qui le font sous des formes multiples, voilà. Et nous, effectivement, on fait beaucoup de choses à partir du vivant, c'est-à-dire à partir du corps, et que ça prenne la forme de performance ou de spectacle, du reste, voilà. Et par ailleurs, plasticien aussi, parce que nous réalisons des sculptures, nous travaillons à l'atelier, et nous avons une production d'objets, voilà. Là, il est question effectivement d'une rencontre, pour le coup, entre des formes artistiques différentes, mais qui se réunissent, danse et art visuel. La proposition, ai-je lu, c'est une invitation pour un voyage désordonné et amusé à travers l'histoire de l'art, et si on va y découvrir un univers peuplé de créatures hybrides. Alors, tout de suite, le terme hermitologie et les songes d'Antoine, peut-être une explication sur le titre, car effectivement, hermitologie, je me dis tout de suite, je fais un rapprochement avec l'ermite, qui est plutôt le symbole de la solitude et du recueillement, et là, il est question de rencontre. Oui, bah de toute façon, le support littéraire de ce spectacle, c'est la tentation de Saint Antoine. Il y a quelques fragments de texte, mais très peu. C'est un spectacle essentiellement pour le plaisir des yeux et des oreilles, mais il y a très peu d'insertion de texte. Il y a deux petits moments de texte. Et une vie d'ermite est une vie de rencontre. Notamment l'ermite de Flaubert est assailli par toutes les créatures de toutes les religions du monde, et le roman de Flaubert n'est qu'une succession de rencontres avec tout l'imaginaire absolument invraisemblable qu'ont généré les différentes religions du monde. Voilà. Donc c'est pas incompatible, en fait. Je pense que d'une façon générale, l'ermite ne cesse de faire des rencontres. Nous, il est très peu question de, même pas du tout question de religion, hein. De même qu'il n'est pas vraiment question de religion dans du reste chez Flaubert, hein, qui n'aimait pas du tout, qui détestait les dogmes et qui détestait les religions, mais qui était fasciné par la pensée religieuse, par contre, voilà, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc nous, on est assez loin de ça. C'est l'hermitologie, nous, on aimait bien ce thème, parce qu'il y avait une sorte de petit jeu de mots dans l'ermitologie, voilà, chez lui, dans sa petite grotte, mais il est essentiellement question, effectivement, de créatures très particulières, puisque notre travail associe de singulier que, effectivement, on travaille avec des danseurs, avec des gens qui maîtrisent les problématiques du corps, mais par contre qui ne sont jamais à vue, voilà, puisqu'il y a des costumes, il n'y a pas d'autre mot, il y a un seul mot, donc je suis obligé d'utiliser celui-là, donc des costumes qui recouvrent intégralement le corps, les visages, dans notre travail, que ça soit nous qui soyons à l'intérieur ou que nous confions nos créations à des interprètes et en l'occurrence à des danseurs. Quoi. Mmh. Alors sont convoqués sur scène pour ce spectacle l'humain, le végétal, l'animal et même la robotique. Je crois d'ailleurs que le seul regard qui est présent sur scène, c'est celui d'un oiseau lapin qui est radio-commandé, c'est ça? Oui, tout à fait. Le mot robotique est un peu... excessif. Un peu prétentieux, mais malgré tout, c'est une petite créature qui est pilotée, effectivement, qui est pilotée à distance, et qui assure effectivement le regard, l'unique regard du spectacle, puisque ses petits yeux sont animés, et c'est lui qui fait souvent face au public. Sur scène, quatre personnages étonnants, vous nous les décrivez, vous nous les présentez. Alors, donc vous parliez au début d'un voyage désordonné, mais dans l'histoire de l'art, enfin, il me semble que vous avez cité cette petite phrase-là, à moins que ce soit moi qui l'extrapole du dossier, mais il s'agit en fait d'un assemblage de créatures qui vont d'une Vénus paléolithique, la Vénus de Willendorf, donc qui est normalement une petite figurine qui fait quelques centimètres, qui se tient dans le creux de la main et qu'on a, nous, fait en très très grand et très très gros, en essentiellement un matériau de tulle plissé. Donc ça, il y a une grosse Vénus paléolithique. Il y a également une sculpture d'Alberto Giacometti, un de ces célèbres hommes qui marchent, que nous avons décidé de placer sur le plateau et auquel nous avons décidé de donner vie. Il y a un danseur qui s'appelle Sylvain Riejou. Donc c'est Coco Petit-Pierre qui est dans la Vénus. Il y a également une boule végétale qui, elle, n'appartient pas vraiment à l'histoire de l'art, même ça fait un petit peu référence à l'Arte Povera, mais qui vient de l'imaginaire des déserts et de ces fameux boules de désert qui roulent. Donc il y a également une boule à l'intérieur duquel il y a un danseur circassien aussi qui s'appelle Erwan Akyun-Larcher. Et puis voilà, ce petit lapin robot qui est tiré d'un tableau de Max Ernst qui s'appelle également La Tentation de Saint-Antoine, qui est une petite créature entre effectivement l'oiseau et le lapin. D'où ces références en effet à l'histoire de l'art, cependant en plus avec pour le coup des figures, des personnages, des sculptures qui ont existé à des époques très différentes. Voilà, c'est ça, et également parce qu'en fait on s'est inspiré de ce qu'on appelle la peinture hémitique en fait, qui sont ces représentations des ermites vers le 16e siècle, quoi, 15e siècle même, qui sont des ermites qui sont représentées dans des concrétions rocheuses, des grottes, mais qui ont la particularité d'être à leur échelle, en fait. Voilà. Donc, finalement, ce sont des grottes qui sont relativement petites parce que leur fonction, c'est juste de recouvrir le corps de l'ermite et pour le faire figurer dans le paysage. Voilà. Donc, effectivement, sur cette, il y a une petite grotte qui s'est transformée en une grotte dorée, surmontée d'un petit paysage miniature, parce que c'est aussi comme ça que ces grottes sont souvent représentées. Et donc il y a un petit paysage miniature avec des effets de loupe, j'allais dire, sur scène, où on donne vie à ce petit paysage. Et à l'intérieur de cette grotte, il y a donc notre ermite qui a pris la forme d'un homme qui marche, d'Alberto Giacometti. Pour sa maigreur, évidemment, ça c'est le côté vraiment immédiat. Et puis il y a aussi, ça nous plaisait aussi parce que ces fameux hommes qui marchent, ces sculptures célèbres d'Alberto Giacometti, sont avant tout ce ne sont pas des hommes qui se déplacent, ce sont des hommes qui se déplacent spirituellement, mais dont les semelles de plomb, les énormes pieds finalement, les figent sur place. Et effectivement, cet ermite va rencontrer cette créature, cet emblème de la féminité et de la maternité que sont les Vénus, ces petites Vénus paléolithiques absolument magnifiques. Je crois savoir que votre recherche artistique, au travers de ce spectacle comme d'autres créations précédentes, c'est l'exploration des différents états du corps entre la sculpture et le vivant, à tel point que les sculptures sont en mouvement sur scène. Vous disiez paysage miniature, ça se présente sous quelle forme? Je crois avoir lu sous la forme d'un échiquier, non? En fait, l'ensemble de ces objets, donc c'est-à-dire, enfin, les objets, en fait, pour être bien clair, hein, ce qu'on appelle sculpture, c'est un travail sur le costume, donc quand on dit des sculptures animées, en fait, ce sont des interprètes, des danseurs qui sont recouverts par ces costumes. En l'occurrence, ici, celui qui a un costume prend la forme d'une sculpture de Giacometti, un autre costume qui prend la forme d'une Vénus paléolithique, une autre sculpture qui a la forme d'une boule végétale, hein, qui va rouler, qui va se déplacer au gré du vent, et puis qui prend la forme d'un petit robot, d'un petit personnage qui est créé à partir d'un tableau de Max Ernst. Et tout ce petit monde-là, y compris cette petite grotte dorée, évolue sur une sorte d'échiquier qui n'est pas vraiment un échiquier. En fait, il y a un sol, un carrelage en marbre qui est issu des représentations de palais vénitiens de la Renaissance, où il y a des très très beaux motifs de sol comme ça qu'on a tenu à convoquer et qui finalement joue le rôle d'un grand socle plat, mais qui est un socle, parce qu'il a une épaisseur, et sur lequel viennent se placer les différents éléments sculpturaux, inertes ou animés. Alors, j'ai lu, je ne sais plus dans quel document, où il est question d'un coup de foudre sur l'échiquier. Donc là, on dépasse effectivement avec votre précision concernant cet élément de décor. Vous disiez, il n'y a pas de récit en soi, un extrait de texte de Flaubert. Malgré tout, quelle est l'histoire ? L'histoire, si on résume très très vite, effectivement, c'est une rencontre entre l'ermite et la Vénus. Mais bien au-delà de ça, nous avons un rapport au spectacle qui est celui de plasticiens qui ont plaisir à se confronter à la discipline du spectacle. Mais nous avons un rapport aux choses qui n'est pas du tout un rapport théâtral au sens d'une narration, mais qui est une sorte de volonté de convoquer le sensible sous toutes ses formes. Et notamment à partir de ces figures dans lesquelles l'humain est totalement camouflé, mais nous faisons confiance à notre anthropomorphisme à chacun d'entre nous qui fait que nous prêtons très facilement et immédiatement finalement beaucoup d'intention, beaucoup de psychologie et donc nous éprouvons beaucoup de sentiments face à des choses qui bougent même si l'humain n'est pas directement convoqué à travers son expression, sa peau, son regard, sa sueur et autre chose quoi. Voilà. Donc oui, il y a une petite histoire mais il y a essentiellement la convocation d'un imaginaire qui a la particularité d'être finalement partagé et par les enfants et par les adultes. Voilà. Et c'est pour ça que Point Commun a décidé de l'inscrire dans le cadre d'un week-end en famille. Nous ne faisons pas des spectacles pour les enfants, nous ne nous adressons pas aux enfants, mais notre imaginaire, en fait, croise le leur. Voilà. Et finalement, nous, on est assez sensibles à ça parce que c'est-à-dire qu'on leur fait une grande confiance quelque part en ne formatant pas des œuvres pour eux. Simplement, il se trouve que ces œuvres-là créent une rencontre à un endroit précis où nous convoquons également l'imaginaire des adultes. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est un petit peu également particulier à cette forme théâtrale. Donc vous avez évoqué deux titres au début qui sont Les Songes d'Antoine, qui est effectivement le nom que nous avions donné à la version enfant, mais maintenant nous avons arrêté, tous les spectacles s'appellent Ermitologie, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Simplement, comme nous faisons des représentations scolaires, on raccourcit le spectacle de 10 minutes, parce que ça correspond davantage à la capacité de concentration des enfants lorsqu'ils sont en groupe, voilà, en situation finalement de groupe scolaire. Merci d'avoir précisé effectivement ces informations au niveau du titre. Occasion pour ma part de préciser que les représentations auront lieu effectivement au cours du week-end du 19 et du 20 octobre, le samedi 19 octobre à 19h30, le dimanche 20 octobre à 16h et en effet, version adaptée pour les scolaires, le vendredi qui précédera le 18 octobre de 10h et à 14h30. Le mot de la fin, je vous laisse réagir. J'ai lu dans votre revue de presse, justement, une personne qui a découvert votre spectacle et qui a eu une vision, qui dit la chose suivante, c'est aussi la vision d'un monde où il est concevable de passer outre la peur qui se déploie pour aller vers l'autre. Alors effectivement, une expression comme ça, ça nous parle, ça résonne bien avec l'état de notre monde aujourd'hui et les difficultés de l'altérité. Comment vous recevez cette expression, ce regard ? Quand on fait de l'art, il y a toujours cette idée de, même si c'est une sorte d'absolu des œuvres, et puis encore plus quand on est plasticien, où les choses, finalement, une sorte d'autonomie beaucoup plus grande que le spectacle, qui ne se consomme que dans le temps du spectacle, il y a toujours cette idée quand même, de toute façon, de convoquer l'autre d'une manière ou d'une autre, et d'autant plus fortement quand les formes d'art ont la forme d'un spectacle avec un public qui est convié. Donc oui, nous, c'est quelque chose qui nous... D'abord, je trouve ça très plaisant que... Voilà, qu'on puisse ressentir ça en regardant le spectacle, mais il y a cette convocation de l'autre, elle se fait aussi à partir d'un imaginaire individuel qui est celui de l'artiste, mais quand c'est réussi, qui prend toujours une forme partagée, quoi, voilà. Même si c'est sur des éléments qui sont un peu intangibles, même si parfois il est difficile de dire pourquoi, mais évidemment, il y a cette convocation de l'autre pour vivre l'œuvre le temps d'un spectacle. Très bien, merci Yvan Cléda pour avoir répondu à nos questions. Ces rendez-vous est pris pour le week-end en famille, les 19 et 20 octobre prochains à Cergy-Pontoise, à l'invitation de Point Commun, la nouvelle scène nationale. Merci à vous. Merci à vous. L'art venimeux, l'art socle trompeur, plus loin, une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre plein de décoction d'acide. Qui vous rongerait les os, et puis l'inévitable clairière amie, vaste accueillante, les fruits à portée de main, et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée.